Vous écoutez Radio Show Football, la Banda Baggio, l'émission 100% foot. Les Brésiliens sont en blanc, Amédi Pelé. Tête et but, fabuleux. On retrait, c'est bien fait. Allez mon petit bonhomme. It comes for Cantona! I don't believe it! La frappe de Neymar! Quel but! Le face-à-face! Ouais! Voilà! Antoine Griezmann à la 27e minute! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille! Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. On est ensemble pour à peu près 45 minutes. Aujourd'hui, on va parler bien sûr du match d'hier entre l'Angleterre et la Tunisie. On va aussi parler de Japon-Colombie et on parlera aussi un petit peu de Pologne-Sénégal. Le Sénégal qui mène 2-0, c'est déjà une grosse surprise. Cette Coupe du Monde est vraiment une sacrée surprise pour les équipes outsiders hein, finalement. Avec nous ce soir, Yesha. Salut Yesha. Salut à vous tous. Et nous avons aussi Gabi, salut Gabi. Salut à vous. Puis il y a Thibaut qui va nous rejoindre dans peu de temps. Alors je sais que Yesha t'as pas beaucoup de temps avec nous, on va tout de suite parler de l'Angleterre. Alors l'Angleterre hein, qui s'est imposée hier face à la Tunisie 2-1, mais c'est vrai que la victoire s'est dessinée dans les dernières minutes de jeu. Alors Yesha, en Angleterre, comment on voit cette victoire? On voit que on dit que cette équipe d'Angleterre a fait un bon match, ou alors est-ce qu'il y a de la déception en Angleterre? Alors, ben, déjà je pense que c'est l'enthousiasme de la victoire qui fait que en Angleterre, on n'a pas trop fait attention à la physionomie du match, bien que c'était important. Bon, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est que les premières minutes du match se sont très bien passées. Mais après, c'est clair que c'était un peu, comme diraient les Anglais, sloppy. C'est-à-dire ouais. C'était vraiment mou. C'était vers la fin, voilà. Même les changements, ils ont attendu super longtemps pour sortir Rashford, alors qu'on l'attendait depuis un moment. Enfin, voilà, les changements, le coaching a été très lent. Maintenant, le point positif, ça c'était les points négatifs. Maintenant, les points positifs, je dirais que c'est Harry Kane. Hein. Bon, parce que c'était un peu l'attaquant qu'on attendait. Puis il revient de loin quand même. Hein. Parce qu'on se rappelle, à l'Euro 2016, c'était un peu la risée des médias. Hein, parce que il était vraiment. Les coups francs, il les mettait. C'était un rugbyman, il se trompait de sport. Enfin voilà, c'était la risée. Et là, depuis un an, bon, voilà, on a vu qu'à Tottenham, c'était un peu l'homme de Tottenham. Ouais. L'homme fort de Tottenham, et là il confirme avec ce premier match hein, en tant que capitaine, donc c'est assez symbolique, capitaine, et il arrive à faire la différence. Donc oui, tous les titres, tous les magazines hein, que j'ai pu lire, c'est tous Yes We Can, en référence à son nom de famille. Enfin voilà quoi, je veux dire, c'est surtout l'euphorie autour de Harry Kane. Donc oui, c'est une victoire, on pense plus, comme je viens de le dire précédemment, à l'enthousiasme de cette victoire-là qu'à la physionomie du match. Et toi, Gabi, alors qu'est-ce que t'en as pensé de cette équipe d'Angleterre? C'est peut-être un petit peu décevant quand même pour une équipe qui est censée être parmi les favorites, encore décevant avec la France. Ça fait partie pour le moment des deux seuls pays à avoir entre guillemets brillé. Il y a la Belgique aussi, mais ouais, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Non, j'ai trouvé que c'était une bonne équipe d'Angleterre, très généreuse dans toutes les phases de jeu. Je pense que c'est une équipe qui va aller très loin dans la compétition. Je les vois pas du tout sortir au premier tour. Je pense qu'ils ont manqué de lucidité. Ils ont donné beaucoup et en fin d'action, à chaque fois, ils avaient du mal. Ouais, ils manquaient de lucidité, les jeunes, Lingard, etc. Ils ont joué un peu trop facile. En pensant finir avec un geste un peu spécial sur les actions, mais ils auraient dû plutôt foutre par moments des pointus ou des plats du pied bien placés sans frapper fort. Et je pense qu'ils auraient dû gagner ce match-là, enfin plutôt pas sur les arrêts de jeu. Il méritait de gagner ce match, mais je veux dire, c'est très dur pour la Tunisie de se prendre ce but sur corner avec un mauvais Ah ouais, c'est une mauvaise placement défense là. défensif. Ouais, là par contre, il était vraiment tout seul, Harry Kane, et c'est vraiment dommage, hein, la Tunisie, c'est vrai qu'elle méritait pas ça. Après, le souci, c'est que la Tunisie a marqué sur un penalty, puis après, ben, la Tunisie, comme beaucoup, beaucoup d'équipes finalement dans cette Coupe du Monde, a prêché au niveau des occasions, quoi. Oui, c'est vrai, on a quand même vu un peu, bon, ça c'est plus pour la critique, des rugbymen tunisiens. J'ai vu quand même, il y avait une certaine faute sur Harry Kane, l'arbitre, bon, il s'est pris pour Stevie Wonder sur le coup. Enfin, ouais, c'est clair que je pense que la vidéo, franchement, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Hein. Je veux dire, on nous a promis que les vidéos allaient changer la donne, je crois pas du tout. Je pense qu'il y a toujours une certaine décision. Bon, on ne sait pas, et qui est prise bien au-delà de la vidéo qu'on a mis en place. Ouais. Donc, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté le Brésil qui a, alors pas porté plainte, mais qui s'est plaint au niveau de la FIFA par rapport au but pris contre la Suisse. Il s'estime un petit peu lésé par rapport à la décision arbitrale qu'il y a eu sur le but. Ils aimeraient comprendre comment l'arbitre... Enfin, à quoi sert cette vidéo finalement? Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a eu faute, on va pas revenir parce que vous en avez assez parlé hier, mais voilà, le Brésil qui s'estime un petit peu lésé, et je pense que je sais pas ce que vous en pensez, mais non, mais faut savoir les règles, faut connaître les règles. La vidéo, elle est utilisée que pour les penalties et que pour les buts, hein. Elle est pas utilisée pour les fautes dans pour le jeu, fautes, hein. Voilà. Il faut rappeler ça aux gens, hein. Faut pas que les gens tombent dans les médias, etc. Le buzz, la vidéo, il y a deux cas de figure où elle est utilisée, c'est les penalties pour vérifier s'il y a faute et juste la goal line technology, point final. Il n'y a pas d'histoire de voilà. Exactement, il y a aussi, bon, ils se plaignent, bon, il faut savoir qu'en face c'est la Suisse, bon, et surtout le fait que Neymar, quand j'ai vu le match, hein, j'ai vu que Neymar gardait beaucoup le ballon. Ouais. Et c'est-à-dire que bon, on sait que c'est Neymar, bon, ok, passement de jambe, toute la fine équipe. Mais quand même, je veux dire, il y a des moments où je pense qu'il aurait dû lâcher le ballon, et c'est quand même celui qui s'est pris le plus de fautes sur le terrain. Je veux dire, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui le marquait même, il avait une teinture blonde, il était dans sa poche. Neymar était dans sa poche. Ouais. Ça, c'était obvious, c'était obligé. Je veux dire, il y a un moment, c'est bien beau de critiquer l'histoire de vidéo, mais à un moment, c'est sur le terrain. On a bien vu que le Brésil sur le terrain face à la Suisse, c'était... Ouais, ça faisait un peu arméguin, hein. C'était un peu décevant du côté brésilien, en tout cas du côté suisse, je pense que c'est un exploit, hein. Je veux dire, avoir mis Neymar, avoir mis 222 millions dans la poche, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Surtout dans un compte suisse, bon, excusez-moi. Ouais, ouais, on en revient à Angleterre-Tunisie. Ouais. Toi, Yesha, quel joueur t'as le plus impressionné pour ce match? Celui qui m'a le plus impressionné, allez, je vais faire un peu... Je veux dire, Harry Kane, ouais. Bon, évidemment, c'est un peu celui qu'on attendait. Maintenant, bon, puisque comme tout le monde en parle, je ne vais pas refaire la surenchère. Je vais aller sur celui qu'on a le moins apprécié, je pense, que Lingard, quand même. Ouais. Dans la mesure où toutes les occasions qu'il avait, je pense que s'il avait été plus réaliste, peut-être beaucoup plus, avec plus d'expérience, hein, je pense qu'il y aurait eu peut-être un peu plus de 1. Je pense que le 2-1, il l'aurait été fait bien avant. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Et toi, Gabi, un joueur qui t'a le plus marqué en... Bon, pas vraiment. Moi, c'est plus le collectif anglais en attaque. L'offensive anglaise, ouais, vraiment, qui est vraiment performante, je trouve. Je pensais pas que, tu vois, tous ces jeunes, finalement, qui sont pas vraiment les stars de leur club, à Liverpool, à City ou ailleurs, parce qu'il y a souvent des Sadio Mané, des Mohamed Salah... Mm-hmm. Des attaquants étrangers qui prennent leur place finalement, et je trouve qu'ils arrivent largement plus à jouer collectivement que l'équipe de France, qui a trois individualités qui jouent en solo, comme Dembélé et puis et bien Mbappé, finalement. Et l'Angleterre, je pense sincèrement qu'avec la Belgique, c'est une des équipes qui, bon, malheureusement, ils vont sûrement se rencontrer, l'Angleterre et la Belgique, en quart de finale ou en demi, quoi. Donc. C'est des équipes qui prétendent à la finale, hein, et c'est clair et net dans leur façon de jouer, hein. La Tunisie, tu vois, ça fait partie des équipes comme le Panama, comme l'Islande, qui ont tout donné au premier match. Et je pense qu'au deuxième match, ils vont se prendre des volées. Ils vont s'effondrer, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Je pense que l'Angleterre ou la Belgique, c'est des équipes qui, peuvent prétendre à aller loin, dans la mesure où j'ai l'impression que cette Coupe du Monde, c'est, elle est prenable pour les, je dirais pas les outsiders, mais ceux qui sont juste entre les outsiders et les favoris. Ouais, bien sûr. Donc je pense que c'est une Coupe du Monde, elle est à la portée de ces gens-là, je pense. Et en Angleterre, on en pense quoi de cette équipe d'Angleterre? On pense qu'elle peut aller, elle peut aller très loin, justement. Là, t'en parles, Gabi, ce qui est tout à fait vrai. Vu que cette équipe, elle est jeune, on a vu quand même qu'il y avait un collectif qui était pas mal. Et finalement, est-ce que c'est pas ces joueurs-là qui sont pas forcément des stars qui peuvent emmener cette Angleterre jusqu'en finale ou voire gagner cette Coupe du Monde? En tout cas, c'est sûr, ils n'ont pas la pression des superstars, hein, je ne vais pas les citer. Mais c'est vrai que oui, donc ils ont tout à donner, ils ont tout à prouver. Donc voilà, hein, je pense qu'il y a de bonnes chances. En tout cas, les Anglais, ils pensent que pour une fois, contrairement au collectif qu'il y avait avant, Ferdinand, Terry, Rooney, bon voilà. Cette fois-là, c'est du, comme ils appellent ça, du fresh blood, c'est-à-dire du sang neuf en français. C'est-à-dire vraiment des jeunes qui peuvent donner, qui ont quelque chose à montrer, quoi, quelque chose à prouver. Donc il faut continuer. C'est une équipe qui est en pleine construction et qui se construit bien. Et donc ils y croient. En tout cas, ils y croient, c'est sûr. Bah, de toute façon, après le prochain match, c'est Angleterre-Panama. Donc je pense que ça peut être la qualification 8e de finale en poche. Après, ça sera une sorte de finale contre la Belgique, et là on va voir ce que vaut l'Angleterre vraiment contre une équipe un peu plus élevée, quoi. Exactement. De toute façon, je pense que le pronostic de l'Angleterre, c'était de gagner face à la Tunisie et le Panama pour avoir au moins les 6 points, et comme ça après face à la Belgique il y a un petit point à récupérer, un match nul peut-être. C'est du moins ce qu'ils pensent. D'accord. Bon, vous voulez rajouter quelque chose d'autre sur ce match, Gabi? T'as autre chose à rajouter? Non. Bah les supporters se sont bien comportés, c'est une bonne chose. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'à l'Euro 2016, on se rappelle de la Russie et l'Angleterre, c'était pas... Est-ce que finalement, c'est pas plus mal de ce système de passe, là, tu dois aller chercher ton passe avant de rentrer, c'est peut-être pas plus mal finalement, en fait. Ouais, parce qu'il y a deux vérifications sûrement. Une fois que tu as acheté le billet, et une vérification de visu avec la carte d'identité à l'entrée du stade. On en saura plus quand notre ami Joseph reviendra de son aventure russe. Et tout de suite, il y a Thibaut qui nous a rejoint. Salut Thibaut. Salut les gars, salut les auditeurs. Alors, on parlait justement de cette Angleterre face hier à la Tunisie, donc la victoire des Anglais. Qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de cette équipe anglaise? Une très bonne équipe. J'ai trouvé une très bonne équipe anglaise avec beaucoup de jeux, mais un cruel manque d'inefficacité parce que je pense qu'ils doivent tourner à la mi-temps à 3-1, 4-1 facile. Ouais. S'ils avaient été beaucoup plus adroits, et après la victoire anglaise. Ce match-là ne souffre aucune discussion, même si la Tunisie a fait une meilleure seconde mi-temps. Bien sûr. Alors que là, en même temps, il y a Sénégal-Pologne qui se joue. La Pologne vient de revenir au score, 2-1, hein, donc toujours pour le Sénégal qui peut... il reste combien? Il reste 5 minutes à peu près, qui peut créer l'exploit. Donc on va voir, hein. De toute façon, on suit ça en Suisse en même temps. Il y a eu aussi une petite critique pour le match d'hier avec l'Angleterre, c'était les moustiques qui ont attaqué c'est dingue. Tous les supporters, mais c'est pas des petits moustiques en plus. Non, mais les joueurs aussi. Les joueurs, ouais. les plans de caméra au rond central après la mi-temps, mon Dieu, il y avait des moustiques, mais minuscules partout. Ouais. On se serait cru, tu sais, dans le sud de la France, près des marécages. c'était souvent à Parsemin, le stade Parsemin, le stade d'Istres, où souvent Marseille faisait des matchs de pré-saison là-bas. Ou même avait déjà joué un match de coupe intertoto, je crois. C'était c'était des matchs de coupe intertoto là-bas. Et les spectateurs, ils étaient bouffés par les moustiques, tu vois. Donc c'est une petite anecdote comme ça. Et on avait le papillon de l'Euro 2016 lors de la finale, et là on avait les moustiques, quoi. Donc ça jouait à Volgograd, hein. C'était ça hier. Hein. C'était le stade de Volgograd Arena. Pour Angleterre-Tunisie, je pense qu'on a fait le tour. Tout à l'heure, à 14h, se jouait Colombie-Japon avec des Colombiens, avec la première Coupe du Monde, hein, de notre ami Falcao, hein, qui avait loupé les deux dernières éditions. Hein, on se souvient que l'édition 2014, il s'était blessé en Coupe de France, il avait subi un tacle assez dangereux, et là, voilà, il disputait sa première Coupe du Monde. Et la Colombie, ben, qui malheureusement est passée à travers, En fait, disons qu'il y a eu un fait de jeu, c'est que dès la troisième minute, penalty pour le Japon et carton rouge pour Sanchez. Hein, voilà, c'est Sanchez. Carlos Sanchez. Ouais, Carlos Sanchez qui ramasse un carton rouge. Est-ce qu'il est sévère ce carton rouge? C'est la double peine, mais est-ce que théâtre, hein. Ouais, c'est coup de théâtre. Est-ce que finalement il aurait, enfin, je pense que l'arbitre il applique à la règle le règlement, mais. Moi, on m'avait dit que la double peine c'était terminée. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Ah, ouais. Faut croire que non, hein, finalement. Que... Non, voilà. Je pense que c'était. Mais, comment dire, c'est vrai que c'est cruel pour les Colombiens, mais on voit bien qu'il y a une main quand on voit le replay. Donc, je peux pas trop. Il y a main, ça c'est ouais. Sûr. Ouais. Après, il a donné un carton rouge, là ça a vraiment pénalisé la Colombie dès le début. Hein, voilà, donc ils sont pris le pénalty vers la quatrième minute à peu près. Et après, il fallait que la Colombie gère. À 10 joueurs, ils ont quand même réussi à égaliser sur un très très beau coup franc. Oui, que le gardien de but. Ouais. Le gardien de but a essayé de la sortir. Voilà. Et non, là, pour une fois, la vidéo était très utile. Voilà, la vidéo était très utile. Et enfin, c'est Osako à la 73e ouais. minute de jeu qui donne l'avantage et qui donne finalement la victoire du Japon. Alors moi, ce que j'ai pas compris dans ce match-là, c'est pourquoi le sélectionneur colombien n'a pas changé sa tactique contre le Japon. Hein. Il est resté avec toujours sa tactique qu'il avait dès le début du match. Il a pas fait de changement assez tôt. Il y a plein de questions que je me suis posées, parce que pourtant, le sélectionneur colombien, c'est Kuperman, hein, c'est ça C'est quand même... Beckerman. Peckerman, pardon. L'ancien sélectionneur de l'Argentine. Voilà, c'est un Argentin. Et franchement, j'aurais pensé qu'il aurait changé de tactique. Et finalement, il l'a gardé. Et ça n'a pas du tout réussi à la Colombie à la fin. Mais les joueurs, ils étaient complètement exténués. Il y a même Carlos Bacca qui est rentré à la 70e minute de jeu. À la fin, il était mort. Il était rincé, quoi. Donc, la Colombie qui commence très très mal cette Coupe du Monde. T'as regardé le match, Gabi, de la Colombie? Ouais, bien sûr, je le regarde en entier. C'est une équipe qui était très très émotive dès le début du match avec l'hymne national. On sentait vraiment beaucoup d'émotions chez les joueurs. Ils étaient un peu paralysés par l'événement. Il y avait aussi James Rodriguez, faut dire, qui a été blessé à l'échauffement ou à l'entraînement. Il était sur le banc, il est rentré qu'en deuxième période, ouais. Il est rentré qu'en deuxième période, donc finalement un titulaire qui était dans les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2014, qui n'était pas sur le terrain. On s'est retrouvé avec une équipe de Colombie très très mal positionnée dès le début du match. Très limité en défense, des libéraux qui étaient très limités techniquement par rapport aux attaquants qui sont des foudres de guerre au niveau technique. Là, il y a un gros déséquilibre dans cette équipe. Je pense que Peckerman, pour le prochain match, va changer beaucoup, beaucoup de choses. Et parce que là, ils ont couru après le score tout le match. Et finalement, on s'est retrouvé avec un non-match. C'est-à-dire que le Japon voulait conserver le score en n'essayant pas d'en prendre un et de limiter défensivement, parce qu'ils avaient très peur, les Japonais, faut dire la vérité. Hein. Ils ont joué 45 minutes dans leur camp alors qu'ils étaient un joueur de plus. Hein. C'est quand même dingue. Ouais. Mais des Colombiens vraiment qui ont raté leur entame de match de A à Z. De toute façon, même ça les a foutus complètement dedans. Hein. Je pense même pas qu'ils auraient gagné le match, j'ai l'impression. Même en étant à 11. Je trouve pas qu'ils étaient... qui n'aurait pas eu cette expulsion, j'ai trouvé vraiment suffisant cette équipe colombienne. Je crois qu'il y avait de la fatigue ou je sais pas. Ouais. Et Falcao, c'est pareil. Falcao, il n'avait pas joué les 5 derniers matchs, je crois, du championnat de France. Mais est-ce que finalement, ça lui a pas porté préjudice de pas jouer Est-ce qu'il serait pas en méforme pour cette Coupe du Monde? Ah, il est vieux, hein, Falcao, maintenant. Ouais. Bah, 32 ans, bon, pour une première Coupe du Monde. Après 32 ans... Depuis 2006. Depuis 2006, il aurait dû en faire une Coupe du Monde. Donc c'est vrai que je sais pas ce que vous en pensez un peu de cette équipe colombienne. Elle est, Moi j'avais vu au Stade de France lors du match contre la France, j'ai trouvé que défensivement c'était pas tout à fait stable. En fait, ils prenaient beaucoup d'occasions et puis donc malheureusement leur problème défensif ne date pas que de ce match-là. Depuis la retraite de Mario Yepes, ils avaient une défense qui était assez solide. Je trouve qu'ils n'ont pas retrouvé une assise défensive suffisante, voilà. Ah, c'est clair. Mais toi, Yesha, t'as pas pu le voir, toi, le match, donc, en fait Ah, si, si, le match de la combi, j'ai pu voir un peu le match, et puis après, bon, le highlight. C'est vrai que, comment dire, moi, la Colombie, ce que je pense, c'est que ça, depuis, en 2014, on a vu, voilà, on a vu naître le James Rodriguez. Bon, en même temps, James Rodriguez, quand il est parti pour le Real, on a vu ce que ça a donné. C'était beaucoup sur le banc, donc, enfin, voilà, quoi, même leur star, même bien qu'elle ait essayé de se rattraper avec le Bayern, était en voie de guérison au Bayern. C'est-à-dire que quand maintenant il rejoint l'équipe de la Colombie, on a besoin de ce capitaine-là qui est censé porter l'équipe, et on voit bien qu'il est en fait limité quand il est dans cette Colombie-là, cette Coupe du Monde. Et ben, là, on voit, là, il est blessé, je pense que ça a été le pompon. Alors le carton rouge, je pense qu'il y a tout un scénario qu'il faut examiner de A à Z. Et la Colombie, elle va avoir, comme vous l'avez dit précédemment, va avoir du mal à revenir. Il va falloir tout changer. Parce qu'ils sont dans un groupe difficile, hein, faut dire, ouais, ça aussi. Hein. C'est vrai. Il n'y a que des équipes qui peuvent prétendre à la qualification. Le Japon, ça n'a jamais été facile de battre le Japon non plus. Hein. Ouais. C'est une équipe parfaitement disciplinée, le Japon, voilà, tout le temps. Exactement. Mais tu sais, il y a une stat, excuse-moi Nico, il y a une stat qu'a dit Beansport, c'est que le Japon, on va dire, une Coupe du Monde sur deux, ils sont bons. Mm. Donc là, apparemment, c'est la Coupe du Monde où ils peuvent faire quelque chose. C'est-à-dire aller en huitième, quoi. Ouais, c'est possible. Ah, pourquoi pas, hein. Mais bah, comme beaucoup d'équipes, il y a quand même un problème avec les attaquants, quoi. Y a, c'est vrai que cette Coupe du Monde, il y a des buts, mais il y a quand même un problème avec bon, les grosses équipes ont leurs attaquants qui marquent, mais les équipes comme le Japon, on a vu la Tunisie, bon, je parle du Panama, hier c'était une découverte pour elle. Mais franchement, il y a un problème avec les attaquants. Il y a beaucoup d'erreurs dans les actions, dans la finition des actions. Enfin, c'est fou quand même. Non, c'est vrai. Moi, j'ose espérer. Hein. J'ose espérer que c'est parce que c'est le premier match et que dès le deuxième match, on va commencer à être un peu plus sérieux. Hein, je pense. De toute façon, pour certaines équipes, c'est maintenant ou jamais. Hein, je pense. Excusez-moi de reparler de ce match-là pour le Mexique. L'Allemagne. Mm. Je pense que l'Allemagne, le deuxième match, il va falloir qu'il y ait un réveil absolu. Ouais, sûr. Brésil, pareil. Alors l'Argentine, j'en parle pas. Donc voilà, il va falloir. Il y a un réveil. Il faut absolument qu'il y ait un déclic. Ouais, d'accord. Parce que sinon, c'est mal barré. Bah écoute, tu veux nous quitter parce que là c'est 19h. Tu veux peut-être partir, Yesha, non? Ouais, voilà, exactement. Excusez-moi. Bah écoute, non, il n'y a pas de souci. Bah écoute, merci d'avoir participé. On se retrouvera bientôt pour un nouveau podcast, de toute façon. Merci à vous. Ouais, salut, merci. Salut. Bye. Salut. Bon, puis là, l'info vient de tomber. Le Sénégal vient de battre la Pologne, hein, 2-1. Grosse surprise, une nouvelle fois. Grosse sensation. Bon, j'ai regardé un petit peu le match. Le deuxième but, c'est une grossière erreur défensive de la Pologne avec une très très mauvaise passe et puis un gardien qui est sorti. Bah, qui est peut-être sorti un peu trop tôt et qui était après dans les choux. Mais bon, voilà, bah, victoire du Sénégal après son retour en Coupe du Monde. Et bah, une nouvelle fois, le Sénégal qui remporte son premier match. Quoi. C'est une grosse surprise, encore une fois. Hein. Est-ce que tu veux parler avant moi, comment dire Thibaut. Parce que écoute, moi, je vais dézinguer, moi, la Pologne. Mais c'est possible. Je vais dézinguer. Je vais parler surtout du Sénégal. C'est-à-dire, je les ai trouvés, je veux dire, pas a priori. Je suivais le match aussi un petit peu même du bureau. Pas exceptionnel, mais très, très, très réaliste. Un très bon collectif. D'ailleurs, coup de chapeau à Lucissé qui a repris cette sélection il n'y a pas longtemps. Donc, il a cru créer un vrai collectif. Et moi, je vois la Sénégal, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, aller en 8e. Parce que je trouve que c'est une équipe offensivement qui a de très bons joueurs. Je trouve qu'aujourd'hui, ils n'ont pas fait un match exceptionnel. Ils sont nourris des erreurs de la Pologne, comme tu as dit, Gabi. Mais je trouve que c'est une équipe à prendre très au sérieux pour la suite de la compétition. Bah allez, vas-y, défoule-toi. Non, Gabi. Mais la Pologne, c'est cette équipe. Mais mon Dieu, le jeu qu'ils produisent, ça vaut même pas une Ligue 2. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est catastrophique. Je me demande si c'est pas plus pire que celle en 2016 pour l'Euro. Ouais, c'est pire parce que les Lewandowski a vieilli. Krikoviak numéro 10. Alors là, faut m'expliquer. Le mec, il passe son temps à faire des passes en retrait, latéral, et balancer des scuds, mais au point de corner à personne. Zielinski, c'est la même chose. C'est catastrophique. Pour moi, la Pologne, c'est l'équipe la plus faible, même plus faible que le Panama. Hein. C'est nul, mais c'est nul. Ça produit un jeu, mais c'est navrant. Ça balance. On dirait une équipe de CFA qui balance des ballons comme en district là, à l'avant-centre. Alors démerde-toi parce que tu fais 1m90. On va te balancer des grands ballons. Le Sénégal, ils ont été super malins sur ce coup-là en jouant les coups entre les lignes parce qu'ils ont compris très vite que la Pologne, ça sautait le milieu de terrain, ça passait de la défense à l'attaque, ils récupéraient tous les ballons. Et je pense que sincèrement, si le Sénégal avait été le Sénégal de 2002, il y aurait eu un 3-4-0 assez rapidement. C'est mauvais, un point. Krikoviak, je ne sais même pas pourquoi il est encore sur le terrain. Et après, donc, ça passera. Krikoviak, bah, c'est lui, ouais, c'est lui qui a fait la passe complètement ratée. À son gardien, et enfin là c'est ahurissant de voir des erreurs défensives pareilles, quoi. Vous avez vu Mbayang sur le but, en plus il était blessé, il est re-rentré, ouais. Et puis il a profité. ils ont pas fait attention à lui, c'est Guissi. Ouais. Il a bien joué le coup. Voilà. Ouais, voilà. Ce qui se passe, c'est ça, c'est que le petit litige qu'il y a sur ce but, c'est que au moment de la passe de Krikoviak en retrait, Mbanyang, je crois qu'il est sur la touche, il demande à l'arbitre s'il peut rentrer parce qu'il voit l'action. Hein. Il sent le coup. Il dit, l'arbitre lui dit vas-y. Sauf qu'à ce moment-là, il y a qu'un libéro avec le gardien de but, et du coup, il se retrouve tout seul sur le côté, et avec sa pointe de vitesse, il vient choper le ballon. Et ça a créé un petit contentieux après le but. Il y a Lewandowski et Krikoviak qui sont venus gueuler, mais qu'est-ce que tu veux dire, quoi. Sincèrement, si l'arbitre a donné l'autorisation. Et Krikoviak n'avait pas qu'à pas faire cette passe en retrait mal assurée. Hein. Je pense que. Ouais. Donc c'est vrai toujours aussi mauvais. Oui, voilà. De toute façon, le Sénégal a finalement gagné sur les erreurs polonaises, quoi. C'est pas le Sénégal qui a forcément été plus fort, parce que ouais. Bon, quand même, des fois le Sénégal, ils ont quand même loupé le béaba dans les passes, dans la finition, encore une fois, comme les autres équipes. Mais bon, bah voilà, hein, de toute façon, ils ont battu un adversaire beaucoup plus fort qu'eux sur le papier, hein, parce que c'est sur le papier, hein, parce que finalement... Qui est le plus fort, tu dis ? Bah, sur le papier, normalement, la Pologne est plus forte que le Sénégal, sur le papier. Moi, je sais même pas, hein, parce que t'as Sadio Mané quand même, t'as des bons joueurs au milieu de terrain, la Pologne, vraiment, c'est... À part Lewandowski, franchement, c'est pas bon. Hein. C'est des remplaçants de remplaçants. Ouais, on l'avait dit déjà lors du podcast d'avant Coupe du Monde. C'est vrai qu'on avait dit on donnait pas cher de cette équipe de Pologne, hein, parce que comme tu disais, à part Lewandowski, le reste c'est très limité en fait. Ouais. Donc, tu serais d'accord pour dire que cette victoire est pas si. Non, elle est méritée. Elle est méritée, mais c'est pas une victoire. Ils l'ont cherchée, voilà. La victoire. Hein. Ouais. Ils ont été la chercher. Ils ont été. Ils ont tenté des choses et tout. Bah, d'ailleurs, il y a Omar Da Fonseca qui en a parlé en comparant un peu l'Argentine avec. Le Sénégal. Le Sénégal, même s'ils n'ont pas les qualités techniques de l'Argentine, ils ont tenté beaucoup de choses, ils ont provoqué sur les côtés. Il y a eu des choses, quoi, même s'il y a eu beaucoup de déchets techniques. Hein. Ouais. C'est un des matchs où je pense qu'il y a eu le plus de déchets techniques, hein. Faut se l'avouer. C'était pas. C'est sûr qu'on compare le Portugal-Espagne, les amis. Celui-là reste le plus beau de cette. De toute façon, voilà, comme la première journée de chaque match est terminé, c'est Pologne et Espagne qui restent la plus belle affiche, quoi, et puis le plus beau match, ouais. Quoi. Ah, largement. Mais la Pologne, c'est une des équipes qui va sortir le plus rapidement éliminée, je pense, au deuxième match. Je pense que la Colombie va réagir. De toute façon, Pologne-Colombie, c'est le deuxième match. Après, Sénégal-Japon, Sénégal, ils peuvent le faire. Hein. Ouais. Mais ils battent le Japon, ouais, ils se qualifient. Hein. Voilà. Alors, t'imagines, déjà, ça faisait 14 ans, 16 ans qu'ils n'avaient pas participé à une Coupe du Monde, et ils seraient déjà qualifiés dès le premier... Dès leur retour, ce serait un exploit, hein. Ce serait du jamais vu, j'ai un peu en plus niveau. Par contre, vous voyez, le Japon, sincèrement, je pense qu'ils sont supérieurs au Sénégal sur plein de points. Oui, bien sûr. Surtout en défense, hein, Sakai, on n'a pas parlé de Sakai, mais il a fait un très bon match contre la Colombie. Hein. Il a tenté des centres, des frappes aussi. Non, franchement, le Japon en défense, c'est solide. Un bon gardien, Kawashima, qui a gaulé à Metz. qui est un bon gardien. Et puis après, bah, qui n'était pas dans la bonne équipe en Ligue 1 aussi. Shinji Tagawa, qui est un excellent joueur. Ouais, excellent. Nagatomo, qui a joué à l'Inter. C'est vrai que c'est une équipe pas facile à manœuvrer. Bah, celui qui a marqué le deuxième but aussi, hein, sur la tête. C'est rare que le Japon ait des joueurs de tête, hein, faut le dire. Parce que... Qui joue au Werder de Brême, lui. Ouais. Non, il y a des super joueurs, hein, au Japon. C'est une des meilleures générations qu'ils aient eues, je pense, depuis peut-être... je sais pas quelle année, peut-être 2002. Nakata. Ouais, voilà, Nakata, exactement. Mmh. Ouais. C'est sûr. Bon, voilà pour les matchs d'aujourd'hui. Ce soir, on va retrouver Russie-Égypte. Alors, on va voir s'il y a toujours autant d'engouement dans le stade. Ce soir, il joue à... Saint-Pétersbourg. On va voir s'il y a toujours autant d'engouement chez les Russes pour cette Coupe du Monde. Vous voyez quoi, une victoire russe ou l'Égypte qui surprend la Russie? Un petit match nul. Parce que le retour, avec la curiosité de ce match, c'est les gars, c'est avec le retour de Mohamed Salah qui a annoncé titulaire, je crois. Ouais, je suis un peu de ton avis aussi. Je pense pas que l'Égypte va s'imposer. Mmh. Ça m'étonnerait. Je les vois mal battre le pays hôte, surtout avec l'engouement qu'il y a dans cette équipe et la confiance qu'ils ont accumulée après le premier match. Ça m'étonnerait qu'ils se fassent surprendre par l'Égypte. Ça m'étonnerait. Mais on va voir un vrai. Il y a tellement de surprises de toute façon dans cette Coupe du Monde que tout est possible de tout maintenant. Donc si Mohamed Salah est sur le terrain et apte à jouer à 100%. Moi, j'ai lu là tout à l'heure que c'était même pas sûr qu'il soit sur le terrain. Je sais pas. Moi, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Hein, c'est ce que j'ai lu. Alors, tu sais, faut vérifier toujours un petit peu les infos. Mais moi, de toute façon, au début, ils avaient bien dit qu'ils nous prenaient les deux premiers matchs de la Coupe du Monde. Hein. Mmh. Non, mais c'est une bonne chose. Les compos doivent être tombés là, je crois. Là, ouais. Je regardais ça. Mais c'est sinon, il y a un joueur que je suis côté russe ce soir. Je pense que je vous conseille de le regarder. C'est la même fois, l'une des pépites du football russe, c'est Golovin. Golovin, ouais. Qui a été excellent du match, lors du premier match. Et je trouve que c'est un joueur à suivre. Et qui, on en avait parlé un petit peu, mais il sera dans un très gros club prochainement. C'est un super joueur. Je pense que pour beaucoup de joueurs dans cette Coupe du Monde, c'est une porte ouverte au grand club. Hein. Donc voilà. Non, mais je disais, c'est la blessure de Mohamed Salah, c'est une blessure qui nécessite presque plus de 2 semaines de repos et parce que comme on a besoin de l'équilibre avec son épaule quand on court, etc. Je pense pas qu'il puisse avoir les mêmes gestes. Et déjà, s'il a pas joué le premier match, c'est assez inquiétant, je trouve. J'y crois pas du tout à Mohamed Salah ce soir, même s'il rentre en deuxième période ils sont menés au score et que l'entraîneur veut absolument essayer de gagner et de revenir. Moi, j'y crois pas du tout à Mohamed Salah ce soir. Et demain, donc, il y a Uruguay-Arabie Saoudite et ce sera arbitré par Clément Turpin, d'ailleurs. Ouais. Ouais. Voilà. C'était juste pour le truc. On va parler vite fait de l'équipe de France. Quelques infos qui sont tombées ce matin. Alors, c'est à prendre avec des pincettes. Giroud et Matuidi pourraient débuter le match face au Pérou. Voilà. Il y aurait peut-être un... Je trouve que c'est une bonne idée de faire débuter Giroud parce qu'il va un peu devant avec des gabarits péruviens qui je trouve qu'ils sont assez petits. Il peut poser beaucoup de problèmes à la défense, quitte après à pas forcément marquer mais peser sur le match et après permettre à Dembélé ou Mbappé de pouvoir finir les actions. Mais ce sera pas un match facile pour l'équipe de France. Ce sera pas du tout facile contre cette équipe péruvienne qui avait quand même montré du bon face aux Danois et qui avait eu des soucis au niveau de la dernière de la frappe au but quoi, de la dernière occasion. C'est voilà, alors peut-être que contre le Danemark ça a pas marché mais contre la France ça peut rentrer quoi. Ça dépend un petit peu de la forme d'Hugo Lloris jeudi. Donc il est à 17h le match jeudi. Hein. Non mais je vais être clair sur un point, c'est que tactiquement, je sais pas pourquoi Deschamps il s'entête avec ce 4-3-3, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas les joueurs pour jouer en 4-3-3, on n'a pas de meneur de jeu, on ne peut pas jouer en 4-3-3, il s'obstine à mettre 3 milieux défensifs, ça ne marchera pas. Moi, je suis désolé de dire qu'on retourne dans les méandres du match contre l'Australie, ça ne va pas se passer comme... Même en changeant un ou deux joueurs, ça ne va pas aller, parce que 3 attaquants qui ne sont pas fournis en ballon, on va se retrouver à balancer des balles avec Varane et je ne sais pas qui... Ce sera pas 4-3-3, je pense. Je joue plus sur un 4-2-3, hein, personnellement. Mais là, tu peux pas jouer en. Tu peux pas. Parce que regarde, il met encore Mbappé, Giroud et Griezmann. C'est 4-3-3, encore une fois. Hein. Ça va être ça. Hein. Parce que. Ah, d'accord. Parce que moi, je voyais. Tu vois pas genre un truc comme ça, genre Griezmann, genre de. Juste derrière Giroud et puis Mbappé côté droit, je veux dire. Bah, et écoute, S'il le fait, c'est bien. Moi, je mettrais. Moi, personnellement, je suis plus fan de cette solution. Et puis, moi, je pensais aussi un truc tout con, c'est pourquoi je mettrais simplement Kanté avec Matuidi, puis l'entrée de Thomas Lemar pour avoir des. Parce que comme Giroud, s'il est avançant, je crois qu'il faudrait qu'on déborde et qu'on puisse centrer sur lui pour pouvoir l'exploiter au maximum. Parce que le problème là, tu vois, c'est que si, on en a pas parlé, hein, mais au match contre l'Australie, ce qui a posé souci, c'est que il y a pas eu de débordement des latéraux. Pourquoi? Parce que en fait, si tu veux, à un moment donné, Lucas Hernandez et Pavard qui arrivaient au niveau de Mbappé ou de Griezmann, ils leur passaient la balle. Ils allaient pas jusqu'au bout de leur débordement. Et là, malheureusement, si on se retrouve encore une fois en 4-3-3 à plat comme ça, il va se passer les mêmes choses. Et je pense que l'équipe de France va être en difficulté sur les contres. Hein. On risque d'avoir un match comme Angleterre-Tunisie avec l'équipe de France. Et on sera pas loin de se prendre un but comme l'Angleterre s'est pris. Ça va être très, très difficile de jouer comme ça. Hein. Je ne sais pas pourquoi Deschamps fait ça. Le Pérou est supérieur à l'Australie déjà. Hein. Ouais, déjà. Moi, je pense que le Pérou est supérieur à l'Australie. Donc attention. Vraiment au déconvenu parce que ça pourrait faire mal contre cette équipe du Pérou. Hein. Si on joue pas sérieux dès le début, ça pourra faire très très mal. Ouais. Il faut garder une chose en tête, c'est que le Pérou a besoin de gagner là dans ce match-là. Donc c'est sûr que ça va favoriser le jeu de l'équipe de France pour un joueur en contre. Aussi. Je serais pas surpris que la France joue bas, mais je trouve que c'est entre guillemets. Un aveu de faiblesse sans manquer de respect à l'équipe de Pérou, c'est je trouve qu'il faut imposer son jeu d'entrée et les obliger à sortir plus vite, genre, en gros marquer rapidement, et puis ça pourrait vraiment faire douter cette équipe du Pérou. C'est sûr. Mais moi je trouve qu'en ce moment il y a un espèce de bashing envers l'équipe de France de la part des journalistes. On en a parlé hier. Ouais. Ah ouais, voilà. Donc moi, oui, mais bon, c'était pour dire que je confirmais un peu ce que vous pensiez de ça, ouais. C'est que même aujourd'hui encore. D'ailleurs, j'ai un gros cul de gueule envers RMC, franchement, qui se dit être la première. j'arrête pas de le dire, mais ça m'énerve. Qui se dit être la première 100% radio foot, 100% Coupe du Monde. Et le mec, il va. J'ai perdu le nom. C'est que je suis un peu. C'est un peu énervant quand même. Il va commenter. Bah, ils sont plusieurs, hein. Il y a Bribois, tout ça. Voilà, mais le mec, il va commenter 5 minutes. Et après, ça va être du blabla. Et à chaque fois, c'est pour parler de l'équipe de France. Ah, mais qu'est-ce qui va pas dans cette équipe de France? Tous les jours, c'est pareil. Ouais. Il faut arrêter au bout d'un moment. Je me souviens, en 2002, je pouvais pas voir la Coupe du Monde. Parce que voilà, c'était le matin et trucs comme ça. Les matchs étaient commentés en entier. Là, c'est que du blabla. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ils ont quand même jusqu'à minuit le soir pour en parler. Pourquoi ils vont, ils font comme ça? C'est inintéressant, franchement. Mais ils sont tout simplement pas compétents. Cherche pas plus loin. Ouais, voilà, c'est tout simplement ça. Ils sont pas capables d'analyser un match de foot comme peut faire Daniel Bravo, Fonseca, Habib Bey à la télé. Ils sont pas capables. Et du coup, en plus, comme RMC, donc c'est BFM, enfin ça va devenir RMC Sport, SFR Sport et trucs comme ça, ils vont avoir. Donc la Ligue des Champions, et ils ont dit que RMC allait avoir l'exclusivité aussi de la Ligue des Champions. Ça va être exactement pareil, tu n'auras plus un match commenté à 100% sur une chaîne de radio, ce sera 5 minutes de commentaire et tout le reste en blabla. Moi ça me gave un peu ça quand même. Non mais faut faire comme la plupart des gens maintenant qui cherchent d'autres médias pour écouter et analyser les matchs. Et ils ont arrêté d'écouter l'after. Moi, je connais j'ai plein d'amis, de collègues au travail qui ont arrêté d'écouter l'after en podcast parce que finalement, il y a plein de chroniqueurs qui sont devenus des caricatures d'eux-mêmes en répétant des choses complètement absurdes et ils font plus d'analyse de match. Même Riolo, qui était peut-être un révolutionnaire dans la façon d'analyser un match il y a peut-être 5-6 ans, bah, je pense qu'il a perdu pied aussi, lui. Tout est dans le buzz maintenant, finalement. En ouais, fait. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, hein. Ouais. Donc, ça veut dire que nous, on a nos chances pour le futur, alors. Exactement, les gars. À quand notre station radio, les gars? Ah, ouais, bah ça. Je crois qu'il va falloir avoir un peu de pognon avant de commencer à émettre sur les ondes. Hein. Enfin bref, bah voilà, vous voulez rajouter quelque chose peut-être Ah si, si bah, si. On va mettre Salah titulaire. On va mettre Salah titulaire. Bon bah on verra ce que on va voir ce que ça donne alors du coup. Hein. C'est une bonne nouvelle. Faut espérer qu'il soit pas soit sorti au bout de 15-20 minutes parce qu'il arrive pas à courir quoi. Ouais. Je serais pas surpris que les Russes mettent quelques tampons d'entrée. Ah ils vont le faire. Ah bah ils vont le faire. Hein. Ils vont essayer de lui faire peur dès le début et de lui foncer dedans. Ouais. Ça risque d'être une nouvelle blessure pour Mohamed Salah et bah du coup l'Égypte après je suis pas sûr qu'il s'en remette correctement. Et il y a une autre petite info aussi, c'est Neymar qui a eu un choc à l'entraînement aujourd'hui. Ouais, pareil, ouais. Mais bon, il a préféré arrêter l'entraînement tout de suite et sortir. A priori, ce serait pas trop grave. Moi, j'ai eu peur que ça ait un rapport avec la vis qu'il a dans le pied encore avec sa fracture. Là. Mais, après, écoute, comme disait Tite, normalement, Neymar aujourd'hui, il avait pas à faire d'entraînement. C'était encore une journée de récupération pour lui. Ouais. Mais bon, il a frappé dans le ballon et puis il a crié comme quoi, enfin, il a crié de douleur en fait. Donc, bon. Comme d'habitude. C'est lorsqu'il a eu un taureau et puis quand il a reçu le ballon sur la cheville, c'est, a priori, c'est il y a ça. Alors après, un taureau. Ouais. Alors, aussi, bon, je vais sauter un peu du coq à l'âne aussi. Je vais reparler de l'équipe de France vite fait. Il y a l'Atlético qui s'est invité donc, dans l'hôtel de l'équipe de France pour faire signer les contrats les papiers, de Neymar et puis de Griezmann quoi. Alors est-ce que je suis pas sûr qu'à l'époque d'Aimé Jacquet ou même on aurait vu ça quoi. Je trouve ça un peu bizarre. Je trouve ça même un peu déstabilisant, je pense pour Griezmann et Neymar de d'aller signer leur contrat comme ça. Didier Deschamps aurait déclaré si tu veux c'est que ça aurait été pour libérer l'esprit des joueurs. Donc après c'est sûr que le timing n'est pas bon mais maintenant que c'est fait, est-ce qu'on verra un meilleur Griezmann au prochain match? Faut espérer parce que après sa vidéo là complètement moisie là, c'est un espèce de documentaire là où il dit que finalement il reste. En plus il signe son contrat et qu'il fait rien après, ça va complètement être discrédité à la fin quoi. Il va se faire moquer quoi. Alors déjà que l'équipe de France n'est déjà pas bien vue par les médias, j'imagine même pas la suite pour Griezmann. Hein. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que je pense que Griezmann a pris les supporters de l'Atlético pour des idiots, parce que en faisant cette vidéo et en ayant entendu Lucas Hernandez qui avait dit qu'il y a un mois déjà, il avait décidé de rester à l'Atlético, et on se rend compte que Griezmann, finalement, il n'était pas sûr de lui. Jusqu'à ce que l'argent sur la table soit pas mis par l'Atlético pour équilibrer les comptes avec ceux du Barça. Quand on entend Griezmann qui dit c'est parce que les supporters, je suis à la maison, j'adore les supporters, mon cul, faut arrêter les bêtises. C'est plus crédible ça, les mecs, c'est le pognon qui leur intéresse, c'est pas le. Ils peuvent avoir d'autres supporters, ils peuvent aller jouer n'importe où, il n'y a pas de supporters. Du moment qu'ils ont de pognon, ils iront jouer quand même, quoi. C'est ça le souci. Même Griezmann, t'imagines, il en est arrivé là. C'est-à-dire qu'un joueur qui adorait le foot, qui jouait pour être avec ses amis, les supporters, etc., il est tombé dans le foot business aussi. Eh oui. Voilà. C'est quand même triste, hein. À l'âge qu'il a, faut pas qu'il se perde. Hein. Finalement, je sais pas combien de. Il y aura très peu de joueurs maintenant qui joueront juste pour le plaisir, quoi. Ouais. Enfin, moi j'ai encore cité Cavani, je sais pas si vous avez vu un peu son interview, donc il a parlé rapidement de cette saison. C'est quelqu'un qui a la gagne en lui puis qui a l'amour du supporter, parce qu'il a dit il a reparlé après le match contre l'OM, et lui qui ne supportait pas la défaite, il se sentait, quand on l'a vu prendre ses responsabilités sur le coup franc qui avait égalisé PSG, on sent vraiment que ce type, par rapport aux autres joueurs comme Griezmann, etc., a vraiment l'amour du club, du maillot et des supporters. Moi, je vous dis que vous allez le regretter, Cavani, parce que pour je pense qu'il reste. Il va rester pour moi, parce que je veux dire un truc, que je pense que s'il y a des rumeurs incitant de départ, je pense qu'il va y avoir beaucoup de pression qui vont être mis par certains supporters, parce que l'image que j'ai retenue lors de la fin de la Coupe de France, je ne sais pas, tu te souviens, Gabi, où il est avec le COP, etc. Il est resté longtemps. Hein. Donc, j'ai déjà vu des attaquants au PSG, amour du club, avec Pedro Pauleta, mais lui, on sent vraiment que c'est pas calculé, c'est vraiment naturel. Ah, lui, c'est pas l'argent. Lui, l'important, c'est qu'il se fasse plaisir et qu'il se sente aimé par les supporters. Ouais. Mais un truc, c'est que, bon, là, donc Paris, ils n'ont pas été sanctionnés véritablement par l'UEFA, mais il va falloir qu'ils dégraissent. Alors, Le truc, c'est que si il parvenait des fois à vendre Neymar, je pense que Cavani voudra rester, parce que je suis pas sûr qu'il veuille refaire une saison avec Neymar. Moi, je pense pas. Ouais. C'est le problème du coach. Vas-y, Thibaut. Je pense, on verra, mais je pense que ça sera pas le cas, parce que je pense que pour briller, je pense que au PSG, Neymar n'a pas besoin de Cavani, voire de Mbappé, parce que si Neymar a pu briller avant qu'il se blesse, c'est que Cavani et Mbappé, et Cavani a fourni pas mal d'aide aussi sur le terrain. Donc, ils vont devoir s'entendre, et je pense que voilà, Cavani, je pense, va faire la part des choses. C'est faire la part des choses. Maintenant, j'attends de Neymar peut-être une meilleure attitude, peut-être de rester un peu plus Cavani, je pense. Ah, mais nous, on pense que Neymar a besoin de Cavani, ok, mais est-ce que Neymar, il est conscient qu'il a besoin de Cavani? C'est ça la question. Non, parce qu'il veut être la star. Il veut être la star de l'équipe. Donc, je suis pas sûr que lui accepte aussi que Cavani soit encore dans l'équipe. Je sais pas, hein, parce que Neymar, le Neymar qui est arrivé à Barcelone et celui qui est parti de Barcelone, c'est complètement différent de ce qu'on a pu connaître de lui. Hein. Je trouve qu'il a même un peu trop pris la grosse tête. Trop. Bah, on le laisse trop libre, hein. c'est le problème. Hein. Préparation de saison à Saint-Tropez, etc. Enfin, bon, on a vu tout ce qui s'est passé. Hein. Il n'a pas joué longtemps avec Paris. Hein. Et puis, il a passé plus de temps en dehors qu'à l'entraînement. Comme on dit certains journalistes brésiliens, on est en train de créer un monstre au PSG avec Neymar. C'est vrai. Donc, on a intérêt. Bon, on verra bien de toute façon. Bon bah les gars, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce podcast. On se retrouve demain pour la suite de cette Coupe du Monde qui, ma foi, est pas si mal que ça pour le début. Hein. On va pas se plaindre. Hein. C'est une jolie Coupe du Monde. Il y a beaucoup de surprises. Il y a surtout des buts. Déjà, il n'y a pas eu de 0-0 depuis le début. Hein. La première journée, pas eu de 0-0. Donc, ça, c'est bien, c'est déjà bien. Et on espère voir autant de spectacles pour la suite. Hein, donc, dès ce soir avec Russie contre l'Égypte. Merci les gars d'avoir participé. Puis à demain et à très bientôt pour ceux qui nous écoutent. Salut à tous. Salut à tous.